on est tous fatigués. Les contre-courants de la vie nous empêchent de naviguer. On avance le cœur brisé. Le plus dur dans tout ça, c'est l'habitude d'être méprisé. On me demande pourquoi mes textes sont si noirs. Est-ce possible que si jeunes nous avons perdu l'espoir, perdu l'amour, perdu le sens, perdu une vie inerte qui nous suit dès l'enfance. Suis mais en avance, vie et va de l'avant. Prie, aime les gens mais n'oublie pas trier les rangs. Et c'est vrai qu'on dépend de nos sentiments, de nos impulsions qu'on devrait cacher plus souvent. Cacher mes commandements, je les vois tous les jours. Un regard dans mon visage te trace mon parcours. Un texte est trop court pour les larmes de mon corps. J'arrêterai jamais de dire que cette vie est d'accord. Pourtant je suis trop gâté, j'ai su ne pas rater. J'ai la chance d'être en vie donc je me bats comme un taré. J'suis là et j'suis navré, per madre y padre. Ici je ferai ce qu'il faut avant de me barrer. On est tous fatigués, les contre-courants de la vie nous empêchent de naviguer. On avance le cœur brisé, le plus dur dans tout ça c'est l'habitude d'être méprisé. On est tous fatigués, les contre-courants de la vie nous empêchent de naviguer. On avance le cœur brisé, le plus dur dans tout ça c'est l'habitude d'être méprisé. Ici la vie d'un homme a la même valeur qu'au Gabon. Seuls les vrais se reconnaissent et vont au charbon. On avance sur des chardons ardents. On crie à l'aide, on nous répond pardon, j'ai pas le temps. Partant de ce constat, comment veux-tu avancer? Pour ça qu'on gratte, qu'on stab, toi-même tu le sais. Parce que t'es passé par là, comme lui et comme moi. Pour trop de frères, c'est plus la France, c'est le Rwanda. La vie est glauque et la coke fait de toi un zombie. J'ai le mot hope gravé sur les oubliés. Quand les choses se compliquent, j'y crois encore. Relativise, fils, regarde aux quatre coins du club. Des gosses ramassent des corps, souvent ceux de leur poche. Maintenant regarde ta vie, dis-moi ce que tu me reproches. On est tous en chien, on a tous mangé des pains. J'en ai bouffé tellement que j'ai touché le fond de la mer. On est tous fatigués, les contre-courants de la vie nous empêchent de naviguer. On avance le cœur brisé, le plus dur dans tout ça c'est l'habitude d'être méprisé. On est tous fatigués, les contre-courants de la vie nous empêchent de naviguer. On avance le cœur brisé, le plus dur dans tout ça c'est l'habitude d'être méprisé. Il me reste de la force, mais elle n'est plus sur mon torse. Le savoir dans ma tête développe de nouvelles compétences. Et j'ai pris connaissance de ce que voulait la France. Je ne suis pas devenu, j'ai une putain de soif de vengeance. On a tellement galéré qu'il n'y a plus rien qui nous choque. On essaye de survivre dans cette putain d'époque. Et on s'en sort comme on peut, rarement comme on veut. La France est un génie qui ne veut pas réaliser nos voeux. Et voulez que je sois comme mes parents, un ouvrier. De PEP à Bac plus 5, je sais que vous le pourriez. Regarde-moi, je le fais, je ne fais que te sourire. Nous sommes tous de passage, il ne faut pas l'oublier. Depuis des années, on monte un putain de business bien licite. On taffe dur et les refrains nous sollicitent. Si tu te sens seul ici, ne joue pas les indécis. Aller dans un sens ou dans l'autre, c'est toi qui décides. On est tous fatigués, les contre-courants de la vie nous empêchent de naviguer. On avance le cœur brisé, le plus dur dans tout ça c'est l'habitude d'être méprisé. On est tous fatigués, les contre-courants de la vie nous empêchent de naviguer. On avance le cœur brisé, le plus dur dans tout ça c'est l'habitude d'être méprisé. On est tous fatigués, les contre-courants de la vie nous empêchent de naviguer. On avance le cœur brisé, le plus dur dans tout ça c'est l'habitude d'être méprisé. On est tous fatigués, les contre-courants de la vie nous empêchent de naviguer. On avance le cœur brisé, le plus dur dans tout ça c'est l'habitude d'être méprisé.